Pourquoi la République a voulu réprimer les langues régionales? En 1789, plus de 6 millions de Français, sur 28 millions environ, ne comprenaient pas du tout la langue française. 3 millions l'utilisaient convenablement, soit moins de 10% de la population. Le français étant surtout parlé en ville et par les classes riches et ou cultivées. Dans son fameux rapport rendu public le 25 mai 1794 sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue française, l'abbé Grégoire avait constaté que la langue française était exclusivement parlée dans 15 départements seulement, et il ajoutait que depuis la fin de l'Ancien Régime, les provinces avaient disparu, mais qu'on trouvait encore 30 patois qui en rappellent les noms et font 30 peuples au lieu d'un. Dans le rapport, l'abbé Grégoire raisonnait donc comme s'il n'existait qu'une seule langue, le français, les autres langages étant qualifiés de patois, de jargon ou d'idiomes dégénérés. Cette dévalorisation des idiomes locaux ou régionaux résultait de la conception républicaine de la nation une et indivisible. Pour les révolutionnaires, il fallait que l'ensemble des habitants du territoire puissent prendre connaissance des nouvelles lois. Pour eux, parler le français, c'était donc affermir la démocratie. Oublier les patois, c'était se libérer des formes ancestrales de domination et de dépendance. Chaque citoyen était ainsi encouragé à faire de la langue des droits de l'homme sa propre langue afin de partager plus directement les mêmes valeurs républicaines. La volonté d'universaliser la langue française était aussi, pour l'abbé Grégoire, une manière de tirer les leçons des échecs antérieurs en matière linguistique. En juin 1790, il avait été décidé que les décrets du gouvernement seraient traduits dans toutes les langues régionales, affichés et lus en place publique, car le désir de s'informer et de participer au bouleversement politique était très fort, même dans les régions où l'on ne comprenait pas le français. Mais ces mesures furent très mal appliquées, car l'Assemblée nationale manquait de traducteurs et de moyens pour réaliser ce travail, sans compter la lenteur de l'acheminement des textes juridiques sur l'ensemble du territoire. Les envois de traduction furent donc lacunaires et décalés dans le temps. Le but de l'abbé Grégoire n'était pas d'imposer par la force le français comme un marqueur d'identité nationale, mais de propager les idées révolutionnaires pour que le peuple leur apporte son soutien. C'est dans ce but qu'avait été créé en 1791 le Comité d'instruction publique chargé d'organiser un réseau d'écoles primaires sur l'ensemble du territoire de la République afin d'enseigner la langue française, les droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, à partir de 1793, face aux dangers qui menaçaient la République, la politique linguistique mise en œuvre par la Convention prit un tour nettement plus répressif, sans obtenir pour autant des résultats probants. Au final, on constate que la politique linguistique de la Révolution française n'a pas bouleversé les habitudes du peuple français. Les dialectes et les langues régionales, considérés comme des patois, demeurèrent très vivants tout au long du XIXe siècle.